Quatre mois plus tard, alors que ses deux frères sont désormais à l'abri des besoins, Denise a décidé de quitter Au Bonheur des Dames au lendemain de la nouvelle inauguration des nouveautés du magasin avec une extraordinaire exposition de blanc. Mais le soir de cette inauguration, qui fut encore un triomphe et permit à Mouret d'atteindre le million en recettes dont il avait toujours rêvé, Denise est appelée au bureau de Mouret.